petit bonus. Voilà. Peut-être un petit mot. Alors, c'est à partir des sons qui ont été pris à partir de ce même banc. Et simplement, en fait, je suis tombée sur 3 égouts que j'ai enregistrés. J'étais intéressée parce qu'ils résonnaient sous la pluie, je ne sais pas préciser, la pluie tombait. Et l'écoulement dans l'égout était différent parce que les égouts étaient remplis d'un ballon ou de déchets. Donc du coup, j'ai eu envie de... Donc vous allez retrouver un peu des sons puisque c'est le même, même endroit de prise de son. C'était un peu cette idée que... on puisse penser à un mobilier d'égout, qui est tout le temps présent, mais qui parfois s'efface beaucoup moins que son. Mais c'était où? C'était dans les cours ou bien dans... Toujours au même endroit, village olympique, à partir du banc, et les égouts, à peine plus loin que la tour des travailleurs, des jeunes travailleurs. Et le clic-clic-clic-clic, c'est... Un égout, c'est le clic. En fait, c'est l'eau qui s'écoule dans un égout d'un mètre de profondeur. Il y a des sons d'eau, mais il y en a un autre. Oui, il y a bien d'autres sons. C'est dedans, il y a un gros ballon qui est coincé dedans, avec un autre, une espèce de boîte en métal. Et le bruit, on a l'impression d'un moteur qui se met tout en marche. C'est une voiture qui passe à un moment donné. Elle était déjà dans la rue.